Je m'appelle artiste inconnu. Je n'existe pas, personne ne m'écoute. Je fabrique en secret mes histoires. Je les sculpte en deux ou trois jours. De mon art que personne ou personne ne veut voir dans ce monde d'échange de papier. Moi je donnerai toutes mes notes. Ce monde, je le respire avec un tout petit peu d'inspiration, de réflexion, je vous le compte. Moi, je donnerai toutes mes notes. Degrés à l'ombre. Hey, patron. Ouais, patron. Petit pastis, s'il te plaît, bien frais. Et hey, moi alors. T'as vu mon frère là-bas? Waouh. Deux petites blondinettes. Oh, blondinettes. Oh, écoute, je vais sortir tout de suite de paquebot. C'est quoi la musique derrière? Mais il est où le soleil? Ils sont où les oiseaux et la mer? Et je vois plus personne. Mais elle est où la paillote? Et la table? Et le patron? Mais où je suis? Arrêtez-moi cette musique tout de suite! Mais ça correspond pas du tout au début de la chanson. Il y a quelque chose qui va pas. Arrêtez! Je suis dans un mauvais rêve. Vous voyez bien qu'on n'est plus dans la même histoire. J'ai plus le soleil, j'ai plus la mer, j'ai plus les oiseaux. Cette musique, c'est vrai, elle est belle, mais c'est plus mon histoire. S'il vous plaît, remettez-moi le soleil, s'il vous plaît, je veux sentir le soleil, entendre les oiseaux, le pastis qui descend dans ma gorge.